Section 11 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Réflexion politique sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français par Monsieur de Chateaubriand. Chapitre 17. Suite des objections. Que nous avons essayé inutilement de diverses constitutions, que nous ne sommes pas faits pour des assemblées délibérantes. On se récrie, avec une sorte de justice, sur la multitude de nos constitutions. Mais est-ce une raison pour ne pas en trouver une qui nous convienne? Combien de fois les Anglais en changèrent-ils avant d'arriver à celle qu'ils ont aujourd'hui? Le Rump, le Conseil des officiers de Cromwell, les différentes sectes religieuses, enfantaient chaque jour des institutions politiques que l'on se hâtait de proclamer comme des chefs-d'œuvre. Cela a-t-il rendu ridicule leur dernière constitution et nuit à son excellence et à son autorité? Nous ne sommes pas faits, ajoute-t-on, pour des assemblées délibérantes. Mais n'en avons-nous jamais eu de ces assemblées? Autre erreur historique, plus frappante encore que la première. Nos pères étaient-ils moins ardents que nous? Séfran Khan Komen vit passer à Constantinople, qui était si impétueux, si vaillant, qui ne pouvait consentir à se tenir découvert devant Alexis. Séfran, irascible, impatient, volontaire, n'avait-il pas des conseils de baronnie, des assemblées de provinces, des états généraux de la langue d'Oyle et de la langue d'Oc? Lorsque sous Philippe de Valois s'éleva la querelle entre les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, vit-on jamais rien de plus grave que ce qui se passa alors? C'étaient pourtant les deux premiers ordres de la monarchie qui, dans toute leur puissance, luttaient pour leurs privilèges. La cause fut plaidée devant Philippe. Pierre de Cugnières, chevalier, personnage vénérable, tenant à la fois à la robe et à l'épée, pour mieux convenir aux deux hautes parties contendantes, portait la parole en qualité d'avocat général et de conseiller du roi. Cette première réclamation du droit civil contre le droit canonique produisit dans la suite l'appel comme d'abus, sauvegarde de la justice. Dans le temps des bonnes mœurs, tout fait naître les bonnes lois. On admira, dans cette grande affaire, la piété et la justice du roi, la respectueuse hardiesse de l'orateur de la partie civile et la dignité du clergé. Ce fut un beau spectacle que celui de ces prélats et de ces chevaliers, jurant sur leurs croix et sur leurs épées, de s'en rapporter à l'intégrité du roi, plaidant la cause de la religion et de la noblesse devant un monarque, fils aîné de l'Église, et le premier comme le plus ancien gentilhomme de son royaume. Quatre ou cinq siècles plus haut, nous trouvons ces mêmes Français, délibérant aux assemblées de mars et de mai. Et, pour que nous n'en puissions douter, le temps nous a transmis leurs décisions dans le recueil des capitulaires. Plus haut encore, nous les verrons fixant, par les lois gombettes, allemandes, ripuaires et saliques, le tarif des blessures. Leur terrible justice consistait alors à imposer leur épée. Ils parlaient éloquemment sur ce droit public de leur façon. Ils discutaient sur la longueur, la largeur et la profondeur de la plaie. S'ils avaient fait tomber une partie du crâne d'un homme, ils consentaient à payer quelques sous d'or, plus si cet homme était franc, moins s'il était romain ou gaulois. Mais il fallait que l'os abattu en valût la peine, et que, lancé à travers un espace de 12 pas, il fît résonner un bouclier. Enfin, dans les forêts de la Germanie, nous apercevons nos pères délibérant autour d'une épée nue, plantée au milieu du malus, ou décidant de la paix et de la guerre, la coupe à la main. Alors que le cœur, dit Tacite, ne peut feindre et qu'il est disposé aux entreprises généreuses. Pourquoi donc le peuple, qui a toujours parlé et délibéré en public, dans les temps de sa barbarie, comme à l'époque de sa civilisation, qui a produit des ministres et des magistrats, comme Suger, Nogaret, Pierre de Cugnières, Sully, l'Hôpital, de Thou, Mathieu Mollet, Lamoignon, Daxo, des publicistes, comme Bodin et Montesquieu, des orateurs comme Massillon et Bossuet, n'entendraient-ils rien aux lois et à l'éloquence? Enfin, n'avons-nous pas déjà 25 années d'expérience, et n'est-ce rien pour un peuple comme celui-ci qu'un quart de siècle? Quelques-uns de nos ministres actuels ont paru à la tribune avec éclat et connaissent tous les fils qui font mouvoir les corps politiques. Nos erreurs passées nous serviront de leçon. Nous en avons déjà la preuve dans la modération et le bon esprit des deux chambres. Chapitre 18. Suite des objections. Notre position continentale. Notre position continentale nous oblige à avoir une nombreuse armée. Si cette armée dépend des chambres, nous serons envahis avant que les chambres aient délibéré. Si la couronne dispose des soldats, la couronne peut opprimer les deux chambres. Cette objection, la plus spécieuse de toutes, se résout comme celle de l'opposition par la puissance de l'opinion. Croit-on de bonne foi que si l'ennemi était sur la frontière, les chambres puissent refuser une armée au roi, que des propriétaires voulussent se laisser envahir? Loin de se rendre populaire par ce refus, elle soulèverait contre elle la nation. Chez un peuple si sensible à l'honneur, si épris de la gloire des armes, la foule passerait à l'instant dans le parti de la couronne et la constitution serait anéantie. D'ailleurs, une invasion est-elle si subite, si imprévue, que l'on n'en ait pas reçu des avis longtemps d'avance? Est-ce avec une poignée de soldats qu'une nation voisine entrerait en France? N'aurait-elle pas été obligée de rassembler des troupes, de les faire marcher? N'aurions-nous rien su de ses mouvements et de ses préparatifs? Toutefois, comme il ne s'agit point d'imiter les Anglais, de se laisser dominer par des systèmes, d'adopter entièrement une constitution sans égard aux habitudes, aux mœurs, à la position d'un peuple, comme si le même vêtement convenait à tous les hommes, il est évident qu'il faut laisser au pouvoir exécutif en France une bien plus grande force qu'en Angleterre. Le roi doit être plus libre dans ses mouvements, parce que la France est plus grande, plus exposée aux combinaisons de la politique extérieure. L'Angleterre n'a rien à craindre pour son existence d'un ennemi étranger, mais en France, il peut survenir une guerre qui mette l'État en péril. Beaucoup d'intérêts que l'on soumet à la discussion publique chez nos voisins demandent parmi nous du secret et ne pourraient être débattus sans danger dans nos deux chambres. En France, il est essentiel de regarder toujours à deux choses, au gouvernement du dedans et aux affaires du dehors. Tandis qu'on se livrerait à des abstractions politiques et qu'on aurait l'œil fixé sur les astres, on pourrait tomber dans un abîme. Pour prévenir ce malheur, il faut que le trône, placé comme un bouclier devant nous, nous garantisse de tous les coups qu'on voudrait nous porter. Il faut qu'il soit en avant-garde de la nation, qu'environné d'éclat et de dignité, il en impose par sa puissance et par sa splendeur. L'autorité du roi doit être dégagée de beaucoup d'entraves pour agir avec vigueur et rapidité. Elle doit avoir, dans certains cas, quelque chose de la dictature à Rome. Et c'est surtout dans ce moment que nous devons tendre à augmenter le pouvoir monarchique, à l'investir de toute la force nécessaire au salut de l'État. Notre monarchie, toute libre au dedans, doit rester toute militaire au dehors. En Angleterre, l'armée est presque une affaire de luxe. En France, c'est une chose de première nécessité. C'est par cette raison que le militaire et la noblesse auront toujours dans notre France une toute autre considération que celle dont ils jouissent en Angleterre. Chez nos voisins, un riche brasseur de bière, un manufacturier opulent peuvent paraître à la patrie aussi importants, aussi dignes des places et des honneurs qu'un capitaine, parce qu'en effet, ils sont autant et plus que lui nécessaires à la prospérité commune. Mais en France, le soldat qui nous met à l'abri de la conquête, qui nous garantit du joug étranger, est un homme qui non seulement exerce la profession la plus noble, mais qui suit encore la carrière la plus utile à l'État. De là doivent naître des différences essentielles dans l'opinion des deux pays, et conséquemment des différences considérables dans les institutions politiques. L'ère bourgeois ne convient point à notre liberté, et les Français ne la suivront qu'autant qu'elle saura cacher son bonnet sous un casque. Mais ceci nous ramène à la seconde partie de l'objection. Si vous donnez, dit-on, au roi une pareille force, il détruira la liberté et opprimera les deux chambres. Ce serait sans doute un grand malheur si notre nouveau gouvernement plaçait continuellement la France entre la servitude et la conquête. Mais il n'en est pas ainsi. Le roi peut être absolu pour les affaires du dehors sans être oppresseur au dedans. L'opinion publique vient encore ici à notre secours. dans l'état actuel des choses, on ne pourrait faire impunément violence aux députés. À l'instant, l'impôt serait suspendu. Il faudrait, pour le lever, autant d'armées que de villages, autant de régiments que de provinces. Nous n'attribuons rien de trop ici à l'opinion. Elle est si puissante que Montesquieu n'a pas craint d'en faire le seul principe de la monarchie. La liberté est un principe, un fait, mais l'honneur n'est que la plus belle des opinions. Il a eu raison, Montesquieu, et l'opinion a toujours tout fait en France. Nous en avons une preuve aussi noble qu'éclatante. Tout esclave, en mettant le pied sur le sol français, est libre. Est-ce en vertu d'une loi positive ? Non, c'est en vertu de l'opinion. Et cette opinion, transformée en coutume, à force de loi devant les tribunaux. Sous l'ancienne monarchie, l'opinion tenait pour ainsi dire lieu de charte. Un couplet, une plaisanterie, une remontrance arrêtaient, comme par enchantement, les entreprises du pouvoir. Tout devenait un frein contre l'autorité absolue, jusqu'à la politesse de nos mœurs. Pourquoi donc cette opinion, si puissante autrefois, aurait-elle perdu sa force ? Pourquoi ne serait-elle plus rien, précisément parce qu'elle peut s'exprimer avec plus de liberté ? Mais il n'en est pas ainsi. Nous voyons tous les jours qu'un article de Gazette fait nos craintes et nos espérances. Il est aisé, dira-t-on, de se tirer d'affaire en répondant par des dénégations, en disant « cela n'arrivera pas », en se jetant dans de grands raisonnements sur l'opinion. Comme l'avenir n'est pas là pour vous démentir, on peut sortir ainsi d'embarras, mais on ne fait pas naître la conviction. Nous comprendrions cette réplique si elle nous était faite par d'autres que par ceux qui pourraient nous l'adresser. Car que disent ces personnes quand on attaque l'ancien ordre de choses ? Quand on leur soutient, par exemple, qu'aucun homme n'était à l'abri d'un coup d'État, de la violence d'un ministre. Elles répondent que cela n'arrivait pas et que l'opinion s'opposait à des actes arbitraires du pouvoir. Elles ont raison de répondre ainsi, et leur réponse est fort bonne. Mais alors, elles doivent trouver juste qu'on oppose à leur attaque les mêmes armes et qu'on se couvre du même bouclier. Remarquez qu'il ne serait pas question, dans le cas qu'on nous propose, d'un fait obscur, d'une persécution individuelle et presque ignorée. Il ne s'agirait rien moins que des deux chambres refusant une armée au roi, ou du roi faisant marcher des soldats contre les deux chambres. Certes, si l'opinion peut avoir une influence prononcée, c'est dans un moment pareil. Au reste, il y a des choses qui ne peuvent être appuyées de démonstrations mathématiques, et qui n'en restent pas moins prouvées. Tout n'est pas positif dans la science du gouvernement. Le système des finances, en Angleterre, ne repose-t-il pas sur une fiction ? Il y a des mystères de politique comme il y a des mystères de religion. Le jeu des constitutions, leur marche, leur influence sont d'une nature inexplicable. Combinés avec les mœurs, les passions et les événements, les corps politiques, attirés, repoussés, balancés, combattus, produisent des effets que toute la sagacité humaine ne peut calculer. Ce vague, cette incertitude, ces grandes choses qui ne produisent rien, ces petites causes d'où sortent tant de grands résultats, ces illusions, cette puissance de l'opinion si souvent trompeuse, se retrouvent dans tout ce qui touche au gouvernement, dans tout ce qui prend place dans l'histoire. Par exemple, n'est-on pas toujours tenté de supposer des talents supérieurs à l'homme qui joue un rôle extraordinaire ? Souvent cet homme est moins que rien. La gloire a ses méprises, comme la vertu. Il y a des temps surtout où la fortune célèbre ses fêtes, espèce de saturnale où l'esclave s'assied sur le trône du roi. Quand on vient à regarder de près les hommes qui conduisent le monde dans ces temps de délire, on demeure plus étonné de leur néant qu'on était surpris de leur existence. On est frappé du peu de talent qu'il faut pour décider du sort des empires, et l'on reconnaît qu'il y a dans les affaires humaines quelque chose de fatal et de secret qu'on ne saurait expliquer. Chapitre 19. S'il serait possible de rétablir l'ancienne forme de gouvernement. Enfin, quand les objections contre le nouvel ordre de choses seraient aussi fortes qu'elles nous semblent peu solides, voici qui répond à tout. On ne peut pas faire que ce qui est ne soit pas, et que ce qui n'est pas existe. Le roi nous a donné une charte. Notre devoir est donc de la soutenir et de la respecter. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une opinion générale qui domine toutes les opinions particulières. C'est l'opinion européenne, opinion qui oblige un peuple de suivre les autres peuples. Quand de toutes parts tout s'avance vers un but commun, il faut, bon gré mal gré, se laisser aller au cours du temps. Avant la découverte de l'imprimerie, lorsque l'Europe était sans chemin, sans poste, presque sans communication, lorsqu'il était difficile et dangereux d'aller de Paris à Orléans, parce que le seigneur de Montlhéry, à Montmorency, faisait la guerre au roi de France, ce qui se passait dans un pays pouvait rester longtemps ignoré dans un autre. Mais aujourd'hui qu'une nouvelle arrive en 15 jours de Pétersbourg à Paris, que l'on reçoit en quelques minutes aux Tuileries une dépêche de Strasbourg et même de Milan, que toutes les nations se connaissent, se sont mêlées, savent mutuellement leur langue, leur histoire, que l'imprimerie est devenue une tribune toujours ouverte, où chacun peut monter et faire entendre sa voix, il n'est aucun moyen de s'isoler et d'échapper à la marche européenne. Les hommes ont mis en commun un certain nombre de connaissances que vous ne pouvez plus leur retirer. Le roi l'a jugé ainsi, parce qu'il est profondément éclairé, et il nous a donné la charte. Est-ce donc parce que nous manquions autrefois d'une constitution? Non, sans doute. Et pourquoi n'aurions-nous pas eu de constitution? Parce qu'elle n'était pas écrite. La constitution de Rome et celle d'Athènes l'étaient-elles? Serait-il même exactement vrai de dire que celle dont l'Angleterre jouit actuellement est une constitution écrite? Certes, il serait fort extraordinaire que la France eût existé comme nation pendant 1200 ans, sans gouvernement et sans loi. L'ancienne constitution de la monarchie était excellente pour le temps. Machiavel, qui s'y connaissait, en fait l'éloge. Rien n'était plus parfait que la balance des trois ordres de l'État, tant que cette balance ne fut point rompue. Rien de plus admirable et de plus complet que les ordonnances des rois de France. Là se trouvent consacrés tous les principes de nos libertés. Il n'y a peut-être pas un seul cas d'oppression qui n'y soit prévu et auquel nos monarques n'aient essayé d'apporter remède. Il est bien remarquable que les anciens troubles de la France aient eu pour cause des guerres étrangères et des opinions religieuses, et que jamais ces troubles n'aient été produits par l'ordre politique. Les hommes, dans l'ancienne France, étaient classés moins par les divisions politiques que par la nature de leurs devoirs. Ainsi, le premier ordre de l'État était celui qui priait Dieu pour le salut de la patrie et qui soulageait les malheureux. Cette fonction était regardée comme la plus sublime, et elle l'était, en effet. Le guerrier suivait le prêtre, parce que l'homme qui verse son sang pour la défense de la patrie et dont le métier est de mourir est un homme plus noble que celui qui s'est consacré à des travaux mécaniques. Remarquez qu'au temps de la féodalité, les vassaux allant à la guerre, il en résultait que le laboureur était soldat. Aussi, dans nos opinions, l'épée et le soc de la charrue étaient nobles, et le gentilhomme ne dérogeait point en labourant le champ de son père. Les communes venaient ensuite et s'occupaient des arts utiles à la société. On ne saurait croire à combien de vertus cette division était favorable dans l'ordre des devoirs, à quel sacrifice elle condamnait le prêtre, à quelle générosité, à quelle délicatesse dans les sentiments elle forçait le gentilhomme, tandis qu'elle entretenait dans la classe la plus nombreuse la fidélité, la probité, le respect des lois et des mœurs. C'est ce qui a fait, n'en doutons point, la longue existence de l'ancienne monarchie. Le gouvernement s'appuyait plus sur la morale que sur la politique, et cette base est bien autrement solide. Aussi vit-on sortir de cet ordre de choses des rois d'une majesté naïve, des pontifes qui mêlaient l'honneur chevaleresque aux vertus de la tiare, des chevaliers qui joignaient la candeur du prêtre à l'héroïsme du guerrier, des magistrats simples et incorruptibles, et qui seuls représentaient la gravité chez une nation brillante et légère. Malheureusement, ce bel édifice est écroulé. Il ne s'agit pas de savoir s'il était plus solide et plus parfait que celui qu'on vient d'élever. Si l'ancien gouvernement, fondé sur la religion comme les gouvernements antiques, produit lentement par nos mœurs, notre caractère, notre sol, notre climat, éprouvé par les siècles, n'était pas plus en harmonie avec le génie de la nation, plus propre à faire naître des grands hommes et des vertus que le gouvernement qui le remplace aujourd'hui. Il n'est pas question d'examiner encore si ce qu'on appelle le progrès des Lumières est un progrès réel ou une marche rétrograde de l'esprit humain, un retour vers la barbarie, une véritable corruption de la religion, de la politique, de la morale et du goût. Tout cela peut se soutenir, et ceux qui prendraient en main cette cause ne manqueraient pas de raisons puissantes et surtout de sentiments pathétiques pour justifier leur opinion. Mais il faut, dans la vie, partir du point où l'on est arrivé. Un fait est un fait. Que le gouvernement détruit fût excellent ou mauvais, il est détruit. Que l'on ait avancé, que l'on ait reculé, il est certain que les hommes ne sont plus dans la place où ils se trouvaient il y a 100 ans, bien moins encore où ils étaient il y a 3 siècles. Il faut les prendre tels qu'ils sont, et ne pas toujours les voir tels qu'ils ne sont pas et tels qu'ils ne peuvent plus être. Un enfant n'est pas un homme fait. Un homme fait n'est pas un vieillard. Quand nous voudrions tous que les choses fussent arrangées autrement qu'elles le sont, elles ne pourraient l'être. Déplorons à jamais la chute de l'ancien gouvernement, de cet admirable système dont la durée seule fait l'éloge. Mais enfin, notre admiration, nos pleurs, nos regrets ne nous rendront pas du Guesclin, la Hire et du Noy. La vieille monarchie ne vit plus pour nous que dans l'histoire, comme l'oriflamme que l'on voyait encore toute poudreuse dans le trésor de Saint-Denis sous Henri IV. Le brave Crillon pouvait toucher avec attendrissement et respect ce témoin de notre ancienne valeur, mais il servait sous la cornette blanche triomphante aux plaines d'Ivry, et il ne demandait point qu'on allât prendre au milieu des tombeaux l'étendard des champs de Bouvines. Nous avons montré ailleurs que les éléments de l'ancienne monarchie ont été dispersés par le temps et par nos malheurs. L'esprit du siècle a pénétré de toutes parts. Il est entré dans les têtes et jusque dans les cœurs de ceux qui s'en croient le moins entachés. Il y a plus. Si ceux qui pensent, sans y avoir bien réfléchi, qu'il est possible de rétablir l'ancien gouvernement, obtenaient la permission de tenter cet ouvrage, nous les verrions bientôt perdus dans un chaos inextricable renoncer à leur entreprise. D'abord, pas un d'entre eux ne voudrait remettre les choses absolument telles qu'elles étaient. Autant de provinces, autant d'avis, de prétentions, de systèmes. On voudrait détruire ceci, conserver cela. Chacun irait, à main armée, demander à son voisin compte de sa propriété. Se représente-t-on ce que deviendrait la France le jour où l'on remettrait en vigueur les ordonnances relatives aux preuves de noblesse exigées des officiers de l'armée? Supposons encore que le roi, régnant seul, ayant toujours à payer 1 700 000 000 de dettes, sans compter les dépenses courantes, eût dit à son ministre des Finances de lui présenter un plan, que le ministre eût formé son plan tel que nous l'avons vu, que, sans pouvoir expliquer ses raisons, sans pouvoir entrer dans la discussion publique de ses moyens, le ministre, muni d'un arrêt du Conseil, eût voulu mettre ce plan à exécution. Nous demandons encore ce que serait devenue la France. Le Parlement de Paris, forcé à l'enregistrement, n'aurait-il fait aucune remontrance? Les parlements de province n'auraient-ils point élevé la voix? Les pays d'État n'auraient-ils point réclamé? La noblesse et le clergé n'auraient-ils point fait valoir leurs privilèges? Les peuples, toujours disposés à refuser l'impôt, émus par toutes ces oppositions, ne se seraient-ils point révoltés? Une pareille résistance, au moment où un levain de discorde fermentait encore parmi nous, nous aurait, n'en doutons point, précipité dans une nouvelle révolution. Eh bien, grâce à la charte, le budget discuté dans les deux chambres a semblé nécessaire par le fait ingénieux dans ses ressources. Il a passé paisiblement, et le peuple, satisfait d'avoir été consulté dans ses représentants, s'est soumis à des impôts qui jadis l'auraient soulevé d'un bout à l'autre de la France. Mais il y a, dans le nouvel ordre de choses, des personnes qui vous déplaisent, qui vous semblent odieuses. Eh bien, elles passeront, la France restera. Les esprits, après une révolution, sont lents à se calmer. On se rappelle d'avoir vu tel homme dans telle circonstance. On ne peut se persuader que cet homme soit devenu un bon citoyen, qu'il puisse être employé utilement. C'est un mal inévitable. Mais ce mal ne doit pas faire renoncer au bien de la patrie. En 1605, Henri IV partait pour le Limousin. Il y avait déjà 16 années qu'il était monté sur le trône. Et pourtant Malherbe lui disait « Un malheur inconnu glisse parmi les hommes ». Qui les rend ennemis du repos où nous sommes. La plupart de leurs vœux tendent au changement, et, comme s'ils vivaient des misères publiques, pour les renouveler, ils font tant de pratiques que qui n'a point de peur n'a point de jugement. Nous voyons les esprits nés à la tyrannie, ennuyés de couvrir leur cruelle manie, tourner tous leurs conseils à notre affliction, et lisons clairement dedans leur conscience que s'ils tiennent la bride à leur impatience, nous n'en sommes tenus qu'à sa protection, entre parenthèses, d'Henri IV. Qu'ils vivent donc, Seigneur, et qu'ils nous fassent vivre. Ainsi, les factions de la Ligue vivaient encore, leurs affreuses mains applaudirent 5 ans plus tard au parricide de Ravaillac. Après la restauration de Charles II en Angleterre, les esprits restèrent agités. Le premier moment de joie une fois passé, les hommes qui avaient suivi des principes opposés dans le cours de la Révolution continuèrent à se haïr. Les Whigs et les Tories descendirent de ces factions. Il y avait même quelques furieux qui regardaient les régicides condamnés comme des martyrs de la bonne vieille cause, of the old good cause. Ils prétendaient qu'à leur mort, Harrison, Cook et Peter avaient été très certainement revêtus du Seigneur, clothed with the Lord. Ils n'étaient couverts que du sang de leur roi. Concluons de tout ceci que ceux qui regrettent l'ancien gouvernement doivent s'attacher au nouveau, parce qu'il est très bon en soi, parce qu'il est le résultat obligé des mœurs du siècle. Parce qu'enfin, la fatale nécessité a détruit l'autre, et qu'on ne se soustrait point à la nécessité. Chapitre 20. Que le nouveau gouvernement est dans les intérêts de tous. Ses avantages pour les hommes d'autrefois. Il nous en a coûté beaucoup pour démontrer à des hommes dignes de tous les respects qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils désirent. Nous regrettons peut-être autant et plus que ce qui a cessé d'exister. Mais enfin, nous ne pouvons pas faire que le XIXe siècle soit le XVIe, le XVe, le XIVe. Tout change, tout se détruit, tout passe. On doit, pour bien servir sa patrie, se soumettre aux révolutions que les siècles amènent. Et, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Et qu'est-ce qu'un homme de son temps ? C'est un homme qui, mettant à l'écart ses propres opinions, préfère à tout le bonheur de sa patrie. Un homme qui n'adopte aucun système, n'écoute aucun préjugé, ne cherche point l'impossible, et tâche de tirer le meilleur parti des éléments qu'il trouve sous sa main. Un homme qui, sans s'irriter contre l'espèce humaine, pense qu'il faut beaucoup donner aux circonstances, et que, dans la société, il y a encore plus de faiblesses que de crimes. Enfin, c'est un homme éminemment raisonnable, éclairé par l'esprit, modéré par le caractère, qui croit, comme Solon, que, dans les temps de corruption et de lumière, il ne faut pas vouloir plier les mœurs au gouvernement, mais former le gouvernement pour les mœurs. Notre charte constitutionnelle a précisément ce dernier caractère. Il nous reste à montrer qu'elle est également favorable aux intérêts des sujets et du monarque. Nous dirons à la noblesse : de quoi pouvez-vous vous plaindre ? La charte vous garantit tout ce qu'il y avait d'essentiel dans votre ancienne existence. Si elle n'a pu faire que vous jouissiez de quelques droits, depuis longtemps détruits dans l'opinion avant de l'être par les événements, elle vous assure d'autres avantages. Vous occupiez les places d'officiers dans l'armée, eh bien, vous pouvez encore les remplir. Seulement, vous les partagerez avec les Français qui ont reçu une éducation honorable. On ne vous fait, en cela, aucune injustice. Il en était ainsi autrefois dans la monarchie. Aux yeux de nos rois, le premier titre d'un guerrier était la valeur. Pour être fait chevalier, dit Du Tillet, ils ont toujours choisi le chevalier le plus renommé en prouesse et chevalerie, et non celui qui est du plus haut lignage, n'ayant égard qu'à la seule vaillance. Autrefois, quels étaient l'espoir et l'ambition d'un gentilhomme ? De devenir capitaine, après 40 années de service, de se retirer sur ses vieux jours avec la croix de Saint-Louis et une pension de 600 francs. Aujourd'hui, s'il suit la carrière militaire, un avancement rapide le portera au premier rang. À moins d'une étrange faveur ou d'une action extraordinaire, un cadet de Gascogne ou de Bretagne serait-il jamais devenu, sous l'ancien régime, colonel, général, maréchal de France ? Si, réunissant toute sa petite fortune, il faisait un effort pour venir solliciter quelque emploi à Paris, pouvait-il aller à la cour ? Pour jouir de la vue de ce roi qu'il défendait avec son épée, ne lui fallait-il pas être présenté, avoir monté dans les carrosses ? Quel rôle jouait-il dans les antichambres des ministres ? Qu'était-ce en un mot, aux yeux d'un monde ingrat et frivole, qu'un pauvre gentilhomme de province ? Souvent d'une noblesse plus ancienne que celle des courtisans qui occupaient sa place au Louvre, il ne recevait de ses enfants de la faveur que des refus et des mépris. Ce brave représentant de l'honneur et de la force de la monarchie n'était qu'un objet de ridicule par sa simplicité, son habit et son langage. On oubliait qu'Henri IV parlait gascon, et que son pourpoint était percé au coude. Le temps de ces dédains est passé. Dans les provinces, vous, gentilshommes, vous jouirez de la considération attachée à votre famille. À Paris, vous entrerez partout, en entrant dans le palais de vos rois. Une carrière immense et nouvelle s'ouvre pour vous, auprès de cette ancienne carrière militaire qui ne vous est point fermée. Vous pouvez être élu membre de la Chambre des députés. Redoutables à ces ministres qui vous repoussaient autrefois, vous serez courtisé par eux. Devenu père du royaume, appelé peut-être au timon de l'État, nouveau chef de votre antique famille et patron de votre province, ce sort éclatant sera l'ouvrage de vos propres mains. Qu'est-ce que l'ancien gouvernement pouvait vous offrir de comparable? Cela n'est-il pas un peu plus beau que de mourir capitaine d'infanterie à 60 ans? Nous ne vous entretenons ici que de vos intérêts matériels. Nous ne vous parlons pas de cette gloire, partage certain de celui qui consacre ses jours à défendre le roi, à protéger le peuple, à éclairer la patrie, de celui qui soutient avec les autels de la religion les droits de la raison universelle, et qui combat pour les principes de cette liberté sage, sans laquelle, après tout, il n'y a rien de digne et de noble dans la vie humaine. Burnet, réfléchissant sur la révolution qui a donné à l'Angleterre cette constitution tant admirée, observe que, de son temps, les gentilshommes anglais avaient de la peine à s'y soumettre, trouvant mauvais que le roi ne fût pas assez roi. Eh bien, ces gentilshommes, qui se plaignaient alors, sont les ancêtres des Pitt, des Fox, des Burke, des Nelson, des Wellington. Leur roi est devenu un des plus puissants rois de la terre. Leur pays s'est élevé au plus haut degré de prospérité, sous une constitution qui répugnait d'abord à leur raison, à leurs mœurs, à leurs souvenirs. Qui pourrait donc s'opposer parmi nous à la généreuse alliance de la liberté et de l'honneur? Ces deux principes ne sont-ils pas, comme nous l'avons prouvé, ceux qui constituent essentiellement la noblesse? Pourquoi un gentilhomme n'obtiendrait-il pas, dans l'ordre nouveau de la monarchie, toute la considération dont il jouissait dans l'ordre ancien? La Constitution, loin de lui rien ravir, lui rend cette importance aristocratique qu'il avait perdue, et dont les ministres du pouvoir, tantôt par ruse, tantôt par force, avaient mis tous leurs soins à le dépouiller. Excepté dans les cas si rares de l'Assemblée des États généraux, quelle part la noblesse avait-elle aux opérations du gouvernement? N'était-ce pas le Parlement de Paris qui exerçait les droits politiques? Il était pourtant assez dur pour l'antique corps de la noblesse de n'influer en rien dans la chose publique, de voir l'État marcher à sa ruine sans être même appelé à donner son opinion. Quelques droits féodaux tombés en désuétude valaient-ils les droits politiques qui sont rendus aux gentilshommes? Ces droits, conservés par la Chambre des pairs, tandis qu'ils peuvent encore, eux gentilshommes, entrer dans la Chambre des députés, sont des biens qui compensent pour la noblesse les petits avantages de l'Ancien Régime. Nous voulons dire de l'Ancien Régime tel qu'il était tout affaibli et tout dénaturé à l'époque de la Révolution. Rien n'empêche, après tout, un gentilhomme d'être citoyen, comme Scipion, et chevalier, comme Bayard. L'esclavage n'est point le caractère de la noblesse. Dans tous les temps, en mourant avec joie pour ses princes, elle a défendu respectueusement, mais avec fermeté, ses droits contre les prérogatives de la couronne. Elle redevient aujourd'hui une barrière entre le peuple et le trône, comme elle l'était autrefois. Lorsque Charles Ier leva l'étendard de la guerre civile, la noblesse anglaise courut se ranger autour de son roi, mais avant de combattre pour lui, elle lui déclara qu'en le défendant contre les rebelles, elle ne prétendait point servir à opprimer la liberté des peuples, et que si l'on voulait employer ses armes à un pareil usage, elle serait obligée de se retirer. Ce généreux esprit anime également la noblesse française. Nos chevaliers sont les défenseurs du pauvre et de l'orphelin. Et Dieu, disait Bertrand du Guesclin à Charles V, faites venir avant les chaperons fourrés, c'est à savoir prélats et avocats qui mangent les gens. À tels gens doit-on faire ouvrir les coffres, et non pas à pauvres gens, qui ne font que languir. Je vois aujourd'hui advenir le contraire, car celui qui n'a qu'un peu, on lui veut au lire, et celui qui a du pain, on lui en offre. Peut-être direz-vous que, dépouillé de certains hommages qu'on vous rendait et qui vous distinguaient, vous avez perdu le caractère extérieur de la noblesse. Mais à différentes époques et dans diverses assemblées des États généraux, les gentilshommes avaient renoncé à d'importantes prérogatives. Ils avaient consenti à la répartition égale des impôts. Si donc les derniers États généraux se fussent séparés sans que la révolution eût eu lieu, la noblesse, privée de ses privilèges par l'abandon volontaire qu'elle en avait fait, se fût-elle pour cela regardée comme anéantie? Non, sans doute. Appliquez ce raisonnement à l'état actuel. Toutefois, il nous paraîtrait nécessaire qu'à l'avenir, on accordât à la noblesse, comme aux chevaliers romains, quelques-uns de ces honneurs qui annoncent son rang aux yeux du peuple, sans quoi les degrés constitutionnels de la monarchie ne seraient point marqués et nous aurions l'air d'être soumis au niveau du despotisme oriental. Il faut surtout que les pairs jouissent des plus grands privilèges, qu'ils aient des places désignées dans les fêtes publiques, qu'on leur rende des honneurs dans les provinces, qu'en un mot, on reconnaisse tout de suite en eux les premiers hommes de l'État. Au reste, comme nous ne voulons rien dire qui ne soit fondé en raison et de la plus stricte vérité, nous ne prétendons pas que tous les avantages dont nous avons parlé dans ce chapitre puissent être recueillis immédiatement. La carrière militaire, par exemple, sera quelque temps fermée à cause du grand nombre d'officiers demeurés sans emploi et qui doivent être préférés. Mais quel qu'eût été le gouvernement établi par la Restauration, cet inconvénient aurait toujours existé. La renaissance de l'ancienne monarchie n'aurait pu ni diminuer le nombre ni effacer les droits de tant de Français qui ont versé leur sang pour la patrie. Ainsi, la charte n'entre pour rien dans cet embarras du moment. D'ailleurs, comme nous l'avons fait observer en parlant de l'émigration, un très grand nombre de gentilshommes sont déjà placés dans l'armée. Enfin, ce n'est pas toujours pour soi qu'on bâtit dans cette vie. N'avons-nous pas attendu 20 ans un roi que le ciel nous a rendu? Eh bien, nos enfants seront encore plus heureux que nous. Nous plantons l'arbre, ils en auront les fruits. Ne renfermons pas toujours nos intérêts dans le cercle étroit de notre vie. C'est au peuple que sont permis le long espoir et les vastes pensées. Quant à la haute noblesse, dont nous n'avons point parlé à propos de la charte, elle y trouve si évidemment son avantage qu'il serait superflu de s'attacher à le montrer. Comme c'était elle surtout qui avait le plus perdu dans la destruction du pouvoir aristocratique de la France, c'est elle aussi qui gagne le plus à l'ordre de choses qui rétablit ce pouvoir. Les hommes qui portent ces noms historiques, auxquels la gloire a depuis longtemps accoutumé notre oreille, rentrent dans la possession de leurs droits. C'est un sort assez remarquable de servir à fonder la nouvelle monarchie dans la chambre des pairs de Louis XVIII, après avoir formé la base de l'ancienne monarchie dans la cour des pairs de Hugues Capet. Ainsi la charte, qui rend aux gentilshommes leur ancienne part au gouvernement et qui les rapproche en même temps du peuple pour le protéger et le défendre, ne fait que les rappeler au premier esprit de leur ordre. Les plus hautes et les plus brillantes destinées s'ouvrent devant eux. Il leur suffit, pour y atteindre, de bien se pénétrer de leur position, sans regarder en arrière et sans lutter vainement contre le torrent du siècle. Chapitre 21. Que la classe la plus nombreuse des Français doit être satisfaite de la charte. Ceci n'a plus besoin d'être prouvé. Tout ce que nous avons dit le démontre suffisamment. La charte nous fait jouir enfin de cette liberté que nous avons achetée au prix du plus pur sang de la France. Elle donne un but à nos efforts. Elle ne rend pas vain tant de malheurs et tant de gloire. En investissant l'homme de sa dignité, elle ennoblit nos erreurs. Chacun peut se justifier à ses propres yeux. Chacun peut se dire « Voilà ce que j'avais désiré. Les droits naturels sont reconnus. Tous les Français appelés aux emplois civils, aux grades militaires, à la tribune des deux chambres, peuvent également s'illustrer au service de la patrie. Ce n'est point une espérance. C'est un fait. Et tel homme, qui peut se dire aujourd'hui « Je suis pair de France sous le roi légitime », doit trouver que la charte est une assez belle chose, et qu'il est un peu différent d'être pair sous Louis XVIII ou d'être sénateur sous Buonaparte. Qu'auraient pu attendre les vrais républicains dans l'ordre politique que la Restauration a détruit? L'égale admission aux places, aux honneurs, ils en jouissent sous le roi légitime. Ils n'en auraient jamais joui sous l'étranger. Déjà, les distinctions les plus outrageantes étaient établies. Il était plus difficile d'approcher le dernier subalterne du palais que de pénétrer aujourd'hui jusqu'à la personne du monarque. Ceux qui ont voulu sincèrement la liberté doivent bénir la charte. Pouvaient-ils raisonnablement espérer un résultat aussi heureux de leurs efforts et de nos discordes? Quel serait l'homme assez insensé pour rêver la République après l'expérience. L'étendue de la France, le génie de la nation, mille souvenirs odieux, ne s'opposent-ils pas d'une manière invincible à cette forme de gouvernement ? Quiconque trouverait qu'il est esclave avec la représentation des deux chambres, qu'il est esclave avec le droit de pétition, avec l'abolition de la confiscation, avec la sûreté des propriétés, l'indépendance personnelle, la garantie contre les coups d'État, prouverait qu'il n'a jamais été de bonne foi dans ses opinions et qu'il ne sera jamais digne d'être libre. Chapitre 22. Que le trône trouve dans la charte sa sûreté et sa splendeur. Quant au roi, serait-il plus le maître en vertu des anciens règlements que par la charte qu'il nous a donnée ? D'un bout de la France à l'autre, une loi passée dans les deux chambres met à sa disposition notre vie, nos enfants, notre fortune. Qu'il parle au nom de la loi, et nous allons tous nous immoler pour lui. A-t-il à essuyer ses remontrances sans fin, souvent justes, mais quelquefois inconsidérées, quand il a besoin du plus faible impôt ? Rencontre-t-il dans toutes les provinces, dans toutes les villes, dans tous les villages, des privilèges, des coutumes, des corps qui lui disputent les droits les plus légitimes, ôtent au gouvernement l'unité d'action et la rapidité de la marche ? Derrière les deux chambres, rien ne peut l'atteindre. Unis aux deux chambres, sa force est inébranlable. Les orages sont pour ses ministres, la paix, le respect et l'amour sont pour lui. S'il est entraîné vers la gloire militaire qu'il demande, il aura des soldats. S'il chérit les arts et les talents, un gouvernement représentatif est surtout propre à les faire éclore. S'il se plaît aux idées politiques, s'il cherche à perfectionner les institutions de la patrie, oh, comme tout va seconder ce penchant vraiment royal ! Et pourquoi les Bourbons seraient-ils ennemis de tout changement dans le système politique ? Celui qui vient de finir avait-il toujours existé ? La monarchie a changé de forme, de siècle en siècle. La race auguste et immortelle des rois capétiens a vu, immobile sur ce trône, passer à ses pieds nos générations, nos révolutions et nos mœurs. Elle a survécu aux coups que nos bras parricides lui ont quelquefois portés, et elle n'en recueille pas moins ses enfants ingrats dans son sein, chargés de blessures. Nous devons tout à cette famille sacrée. Elle nous a fait ce que nous sommes. Elle existait, pour ainsi dire, avant nous. Elle est presque plus française que la nation elle-même. Sous les deux premières races, tout était romain et tudesque, gouvernement, mœurs, coutumes et langage. La troisième race a affranchi les serfs, institué la représentation nationale par les trois ordres, les parlements ou cours de justice, composé le code de nos lois, établi nos armées régulières, fondé nos colonies, bâti nos forteresses, creusé nos canaux, agrandi et embelli nos cités, élevé nos monuments, et créé jusqu'à la langue qu'ont parlé Duguesclin et Turenne, Villehardouin et Bossuet, Alain Chartier et Racine. Louis XVIII nous rendra florissants et heureux avec deux chambres, de même que ses pères nous ont rendus puissants avec les États généraux. Il trouvera lui-même sa grandeur dans nos nouvelles destinées. La monarchie renaît de ses antiques racines, comme un lys qui a perdu sa tige pendant la saison des tempêtes, mais qui sort au printemps du sein de la terre. Ex omnibus floribus orbis elegisti tibi lilium hunum. Chapitre dernier, conclusion. Toute l'Europe paraît disposée à adopter le système des monarchies modérées. La France, qui a donné cette impulsion générale, est maintenant forcée de la suivre. Rallions-nous donc autour de notre gouvernement. Que l'amour pour le roi et pour le pays natal, que l'attachement à la charte compose désormais notre esprit public. Grâce au roi seul, nous conservons tout entière la France de Louis XIV, agrandie de la Lorraine et d'une partie de la Savoie. Vauban en a posé les limites mieux qu'elles ne seraient marquées par les fleuves et les montagnes. L'étendue naturelle d'un empire n'est point fixée par des bornes géographiques, quoi qu'on en puisse dire, mais par la conformité des mœurs et des langages. La France finit là où on ne parle plus français. Ses citoyens de Hambourg et de Rome, qui corrompaient notre langue dans le Sénat, qui n'avaient et ne devaient avoir pour nous qu'une juste haine, auraient amené notre ruine comme peuple, de même que les Gaulois et les autres nations subjuguées détruisirent la patrie de Cicéron en entrant dans le Sénat romain. Nous sommes encore ce que nous étions, Un million de soldats sont encore prêts, s'il le faut, à défendre des millions de laboureurs. Notre terre, comme une mère prévoyante, multiplie ses trésors et ses secours, bien au-delà du besoin de ses enfants. 400 000 étrangers et nos propres soldats ont ravagé nos provinces. Et, 2 mois après, on a été obligé de faire une loi pour la libre exportation des grains. Que manque-t-il à cet antique royaume de Clovis, dont Saint-Grégoire le Grand louait déjà la force et la puissance ? Nous avons du fer, des forêts et des moissons. Notre soleil mûrit les vins de tous les climats. Les bords de la Méditerranée nous fournissent l'huile et la soie. Et les côtes de l'océan nourrissent nos troupeaux. Marseille, qui n'est plus, comme du temps de Cicéron, battue des flots de la barbarie, appelle le commerce du monde ancien, tandis que nos ports, sur l'autre mer, reçoivent les richesses du Nouveau Monde. À chaque pas se retrouvent dans la France les monuments de 3 grands peuples, des Gaulois, des Romains et des Français. Cette France fut surnommée la mère des rois. Elle envoya ses enfants régner sur presque tous les trônes de l'Europe et jusqu'au fond de l'Asie. Sa gloire, qui ne passera point, croîtra encore dans l'avenir. Transformés par de nouvelles lois, les Français recommencent des destinées nouvelles. Nous aurons même un avantage sur les peuples qui nous ont précédés dans la carrière où nous entrons, car ils y ont déjà vieilli, et nous, nous y descendons avec la vigueur de la jeunesse. Accoutumés aux grands mouvements depuis tant d'années, remplaçons la chaleur des discordes et l'ardeur des conquêtes par le goût des arts et les glorieux travaux du génie. Ne portons plus nos regards au dehors, et crions-nous comme Virgile à l'aspect de notre belle patrie. Salve magna parens frugum, magna virum. Et pourquoi ne pas le dire avec franchise ? Certes, nous avons beaucoup perdu par la Révolution, mais aussi, n'avons-nous rien gagné ? N'est-ce rien que 20 années de victoire ? N'est-ce rien que tant d'actions héroïques, tant de dévouements généreux ? Il y a encore parmi nous des yeux qui pleurent au récit d'une noble action, des cœurs qui palpitent au nom de la patrie. Si la foule s'est corrompue, comme il arrive toujours dans les discordes civiles, il est vrai de dire aussi que, dans la haute société, les mœurs sont plus pures, les vertus domestiques plus communes, que le caractère français a gagné en force et en gravité. Il est certain que nous sommes moins frivoles, plus naturels, plus simples. Que chacun est plus soi, moins ressemblant à son voisin. Nos jeunes gens, nourris dans les camps ou dans la solitude, ont quelque chose de mâle ou d'original qu'ils n'avaient point autrefois. La religion, dans ceux qui la pratiquent, n'est plus une affaire d'habitude, mais le résultat d'une conviction forte. La morale, quand elle a survécu dans les cœurs, n'est plus le fruit d'une instruction domestique, mais l'enseignement d'une raison éclairée. Les plus grands intérêts ont occupé les esprits. Le monde entier a passé devant nous. Autre chose est de défendre sa vie, de voir tomber et s'élever les trônes, ou d'avoir pour unique entretien une intrigue de cour, une promenade au bois de Boulogne, une nouvelle littéraire. Nous ne voulons peut-être pas nous l'avouer, mais au fond, ne sentons-nous pas que les Français sont plus hommes qu'ils ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans ? À quel bon marché on acquérait alors une réputation ? Dans les lettres, dans la politique, dans le militaire, quel singulier titre de renommée ! Et combien ceux qui les possédaient nous paraîtraient aujourd'hui médiocres, pour ne rien dire de plus ! Sous d'autres rapports, pourquoi se dissimuler que les sciences exactes, que l'agriculture et les manufactures ont fait d'immenses progrès ? Ne méconnaissons pas les changements qui peuvent être à notre avantage. Nous les avons payés assez cher. Cessons donc de nous calomnier, de dire que nous n'entendons rien à la liberté. Nous entendons tout, nous sommes propres à tout, nous comprenons tout. En lui témoignant de la considération et de la confiance, cette nation s'élèvera à tous les genres de mérite. N'a-t-elle pas montré ce qu'elle peut être dans les moments d'épreuve ? Soyons fiers d'être français libres, sous un monarque sorti de notre sang. Donnons maintenant l'exemple de l'ordre et de la justice, comme nous avons donné celui de la gloire. Estimons les autres nations sans cesser de nous estimer. Les révolutions et les malheurs ont des résultats heureux lorsqu'on sait profiter des leçons de l'infortune. Les fureurs de la Ligue ont sauvé la religion. Nos dernières fureurs nous laisseront un état politique, digne des sacrifices que nous avons faits. Si on nous eût dit, sous la tyrannie, que vous reste-t-il de votre révolution, nous eussions été forcés de répondre des crimes et des chaînes. Maintenant nous répondrons sous notre roi des vertus et la liberté. Que tous les bons esprits se réunissent pour prêcher une doctrine salutaire, pour créer un centre d'opinion d'où partiront tous les mouvements. Les chambres doivent s'attacher étroitement au roi, afin que le roi soit plus libre d'exécuter les projets, médités pour le bonheur de son peuple. Loyauté dans les ministres, bonne foi de tous les côtés, voilà notre salut. Respect et vénération pour notre souverain, liberté de nos institutions, honneur de notre armée, amour de notre patrie. Voilà les sentiments que nous devons professer. Hors de là, nous nous perdrons dans des chimères, dans de vains regrets, dans des humeurs chagrines, des récriminations pénibles. Et, après bien des contestations, le siècle nous ramènera de force à ces principes dont nous aurons voulu nous écarter. Nous le voyons par expérience. Il y a 26 ans que la Révolution est commencée. Une seule idée a survécu, l'idée qui a été la cause et le principe de cette Révolution. L'idée d'un ordre politique qui protège les droits du peuple, sans blesser ceux des souverains. Croit-on qu'il soit possible d'anéantir aujourd'hui ce que les fureurs révolutionnaires et les violences du despotisme n'ont pu détruire ? La Convention nous a guéris pour jamais du penchant à la République. Bonaparte nous a corrigés de l'amour pour le pouvoir absolu. Ces deux expériences nous apprennent qu'une monarchie limitée, telle que nous la devons au roi, est le gouvernement qui convient le mieux à notre dignité comme à notre bonheur. Fin de la section 11.